J'entendais ceux qui criaient, qui sont à l'abri, puis qui pissent sur la vie de ceux qui dorment à la pluie. À ce qu'on dit, on fait partie du pire mouvement. On veut plus d'impact, brother est toujours en mouvement. Puis on se produit depuis tout ce temps. Pour les gens qui poussent dans le même sens, c'est important. Faut taille du respect, gros, pour tous ceux qui te back. Le temps qui fait tic-tac, qui t'entend les feedbacks. Beaucoup de misère avec l'autorité. Elle veut toujours vérifier si c'était autorisé. Je me plaide pas de ma vie, pis de ses conditions respectables. J'envoie des reproches à tous ceux qui sont détestables. On fait partie du pire mouvement. Le temps qui fait tic-tac. Je me plaide pas de ma vie, pis de ses conditions respectables. C'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'on fait. Mélanger nos vies aux rimes, d'en faire ressortir les faits. En faire ressortir le vrai. Objectif fixe et plutôt hardcore musclé, mais bel et bien redevant. On avance avec des baisers en évidence. Ce sera clair et nul prix si aucun MC sans pénitence. On débarque dans la place, comme on débarque dans la classe. Et ne plus représente à ta face. On prend position, on est armé, prêt pour la guerre. Mais sans fausse déposition, avec un style classe. Produits accro, BRO, du macro, le hip hop, notre drapeau. On fera pas de bouc émissaire. On leur rebondit l'éclair, les héros de la bonne hémisphère. Sur la terre, lui nous fait la force. Traînera avec nous notre bagage pour constituer la plus dure des écorces. Brother jusqu'à la fin, la femme et hip-hop notre crew, c'est tout ce qui compte jusqu'à la c'est fin. C'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'on fait. Mélanger nos vies aux rimes, d'en faire ressortir les faits. En faire ressortir le vrai. À travers nos lignes, une vie qui ressemble à la tienne. C'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'on fait. En faire ressortir le vrai. À travers nos lignes, une vie qui ressemble à la tienne. Du rap dans la tête, du rap dans le cœur. Je fous de tous leurs commentaires. Car ayant le rap dans le cul, ayant j'ai le rap dans le sang. Le rap dans les temps, j'ai rap qui frappe dans les flancs et dans les dents. T-A-N. J'ai du rap dans la tête, du rap dans le cœur. Je fous de tous leurs commentaires. Car ayant le rap dans le cul, ayant j'ai le rap dans le sang. Le rap dans les temps, j'ai rap qui frappe dans les flancs et dans les